Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Existe-t-il un acte de naissance de notre langue ? Pas vraiment, mais il est d'usage, parmi les historiens et les linguistes, de retenir comme origine du français le serment de Strasbourg en 842. Sis Alvarege, sis meum frad Karl, en in adiuda et in calduna causa, si cum on perdereit, so frad salvar dift. In oquid, il miro tolesi fas, et abluter, nul plaid nunquem prendre, qui meum vol, sis meum frad Karl, in damnus ait. De quoi s'agit-il ? À la mort de Charlemagne en 814, l'Empire est transmis à son fils Louis le Pieux, ou le Débonnaire, seul de ses fils à avoir survécu. Mais ce dernier a quatre fils, de deux lits, et, selon l'usage des Francs, il prépare un partage de ses terres entre eux. Comme souvent dans les familles, les héritiers se disputent, chacun trouvant qu'il est mal servi. Les demi-frères, Charles et Louis, se liguent contre leur aîné, Lothaire, qui a reçu le meilleur morceau et le titre d'empereur. Ils le vainquent en 841, lors d'une bataille qui leur ouvre la possibilité de revoir le partage successoral à condition de demeurer tous deux unis. Réunis à Strasbourg, ils jurent et font jurer par une partie de leur cour et de leurs troupes de rester alliés. Cela aurait dû passer inaperçu au milieu des innombrables serments prêtés et non tenus. Mais un certain Nithard est là, noble, cousin des deux rois, diplomate, mais aussi bon observateur et excellente plume, en latin du moins. Et c'est par ce journaliste, historien, que nous connaissons très précisément ce qui se jure à Strasbourg ce jour de 842. Comme un journaliste transcrivant un communiqué officiel, ou un historien insérant dans son récit un document d'archive, Nithard, dans sa narration en latin, inclut le texte même des serments. Et, surprise, il n'est pas en latin, mais en deux langues, le roman et le tudesque, considérés comme les ancêtres respectifs du français et de l'allemand. Deux langues que l'on pourrait presque dire jumelles. Ce qui ne signifie nullement que les uns ou les autres ont conscience d'être des Français ou des Allemands. Non, ce sont des Francs qui parlent des dialectes différents. Ainsi, le latin, même sous sa forme évoluée du bas-latin, n'est plus assez bien compris par toute une partie de la population. Et nous savons que l'Église elle-même se préoccupe alors de remplacer les homélies en latin par des sermons en langue vulgaire. Les érudits discutent encore pour savoir si ce roman, ancêtre du français, était plutôt du nord ou du sud-ouest, mais est-ce bien important ? Ce qui importe, c'est qu'il s'agit de la retranscription d'une langue orale qui s'impose à l'usage, y compris dans des circonstances officielles. Et c'est la première manifestation de ce que sera l'évolution du français avec une langue officielle qui s'efforce régulièrement de rejoindre un langage parlé qui évolue bien plus vite. Quant au latin, il résistera encore longtemps. François Ier ne généralisera l'emploi du français dans les actes administratifs qu'avec l'édit de Villers-Cotterêts en 1539. Et c'est Descartes, avec son discours de la méthode, rédigé en français, un siècle plus tard, qui marquera une rupture forte dans les usages philosophiques ou scientifiques et ouvrira le débat de pensée à un public plus large que celui des clercs. Pascal Quignard, dans son roman Les Larmes, a évoqué à sa façon ce moment d'apparition de notre langue. Je le cite. « C'est alors que le vendredi 14 février 842, à la fin de la matinée, dans le froid, une étrange brume se lève sur leurs lèvres. On appelle cela le français. »